Chapitre 7e, l'âme du corps. À la fin de cette rencontre extraordinaire, totalement inattendue, avec Zahra, Karim ne parvient pas à se concentrer dans son travail à l'hôpital. Il a l'urgente nécessité de faire le point, donc de calme et de silence. Sa collègue Fatma, médecin, la cinquantaine d'années, entre dans l'infirmerie de garde. « Tu es malade ?» l'interroge-t-elle, préoccupée. Karim la regarde d'un air interrogatif. « Ton visage ?» explique-t-elle. « Il est tellement pâle. On dirait que le sang n'y circule plus. »« Ah, je comprends, » admet Karim. « Je suis seulement très fatigué. J'ai besoin de repos. »« Karim, je sais que tu es un homme d'une sincérité absolue. Mais est-ce que tu ne me caches pas quelque chose ?» Quelque chose qui te tourmente. Oui, c'est vrai. Quelque chose me préoccupe. Toutefois, malgré notre amitié, je ne peux pas t'en parler. C'est trop personnel. Excuse-moi. J'ai d'abord besoin d'y réfléchir. Eh bien, je viens de finir mon tour de travail. Si tu veux, je te remplace et tu retournes chez toi. Je ferai tout pour voir ton visage avec ton chaleureux sourire. Merci. Merci, ma sœur Fatma. Alors je ferai comme tu dis. Bien entendu, j'inscris ces heures que tu effectues à ma place sur l'ardoise de mon crédit envers toi. Allez, frère Karim, torque Fatma en plaisantant. Et la solidarité, qu'en fais-tu? Tout mon plaisir est de te revoir en forme. Une fois sortie de l'hôpital, Karim ne veut pas retourner chez sa mère. Elle serait inquiète par l'expression du visage de son fils. Il réfléchit pour décider du lieu le plus apte à l'accueillir. Une idée lui vient. Environ une demi-heure après, il est assis sur une grosse pierre, non loin des rails d'un chemin de fer. Il ignore le motif réel de cette option. La seule chose claire est que l'endroit lui plaît, semble adéquat pour examiner à tête froide la révélation faite par Zahra. « Quel destin !» se dit Karim. Il contemple le panorama devant lui. Un long sifflement de train se fait entendre. Puis au loin, un train de voyageurs apparaît et passe rapidement. Peu après, un autre, portant des marchandises, bat en sens contraire, en se déplaçant de manière plus lente. Par on ne sait quel mécanisme psychique, la vue de ces trains fait naître dans le cerveau de Karim ses pensées. Oui, c'est vrai. Ma vie est entièrement basée sur deux éléments. Il la conditionne et lui donne sens. L'amour le plus passionné de la justice entre les êtres humains et l'amour le plus passionné entre l'homme et la femme. Pour vivre ces deux aspirations, je sens être né. Pour leur réalisation, je ferai n'importe quoi, je risquerai tout. Autrement, je ne me sentirai rien d'autre qu'un... Il ne sait pas quel mot employer. Il complète. Non, pas un animal. Lui a une vie cohérente. Disons, je ne serai qu'un tube digestif. Une existence inutile, parasitaire. Mieux, alors, la jeter au néant d'où elle est venue. Et aussi, que cette planète se désintègre. Qu'un cataclysme fasse disparaître cette espèce humaine si mal foutue. Où serait son utilité si elle manque de justice et d'amour? Le ronronnement d'un avion commercial résonne dans l'air en s'amplifiant. Karim lève la tête et voyant passer un aéroplane, il le suit du regard, jusqu'à ce que l'appareil devienne un tout petit point noir, puis disparaît dans le ciel. En se rabaissant, ses yeux rencontrent par hasard les rails de chemin de fer. Innombrables, ils s'entrecroisent puis se séparent. Cette vue suggère à Karim sa rencontre avec Zahra. Au fond, je suis heureux de savoir quel fut le passé de Zahra. Bien entendu, je regrette de toute mon âme ce qu'elle a enduré. Toutefois, j'ai plus confiance en elle, précisément parce qu'elle a subi ce qu'elle a subi, et s'en est néanmoins libérée. Le jour où nous serons dans le même lit, si cela arrivera, c'est d'abord avec son âme que j'unirai la mienne. Car l'âme de Zahra est pure. D'une pureté telle que toutes les ordures qu'on y a jetées n'ont pas terni sa beauté. Qu'y a-t-il de plus enchantant que de faire l'amour non pas seulement avec le beau corps d'une femme, mais tout autant avec sa belle âme? Celle-ci ne vieillit jamais, tout au contraire. Avec l'âge, elle embellit. Ces réflexions ont l'effet d'un doux et salutaire baume sur la douloureuse blessure que fut l'information concernant le déplorable passé de Zahra. Oui, Zahra est une étoile tombée par terre, mais que je recueille pour la remettre là où est sa place, dans le ciel de mon cœur. Ce souhait envahit l'amoureux d'une joie si intense qu'il est saisi par l'envie de se lever, de se mettre à sauter en l'air et de crier, en levant tout haut ses deux bras, « Enfin ! Enfin, j'ai trouvé mon étoile ! J'ai trouvé mon étoile !» Soudain, le visage de Karim se rembrunit. Et si ? Il n'ose pas terminer sa pensée. Il s'y résout. Si d'autres apprennent le passé de Zahra, Les voisins ne sont pas un gros problème. Il suffit de déménager, de changer de quartier. Cependant, ma mère... » Cette interrogation est une brutale avalanche de glace sur Karim. « Maman est intelligente, mais comprendra-t-elle ?